L'écriture est déchaînée comme un gosse à Noël. Ils veulent mon sperme pour la future arche de Noé. Je prie le bon Dieu seulement quand tout va mal. Ça fait longtemps que je ne rêve plus, je suis insomniaque. Vie d'artiste à part entière avec ce grain de folie. J'ai des défauts, des qualités, je la rends folle au lit, oui. J'allume la mèche, personne n'est prêt comme pour le confinement. D'humeur sombre, je vais pas faire dans la confidence. Dans ma lancée, j'emporte tout comme une tempête, ce monde est froid. Ton bonnet ne fera pas l'affaire, gros, ressaisis-toi. L'humain est fou et gogol, regarde dehors ou jette un œil sur Google. Des fois je préfère me taire, j'essaye de m'apaiser, toujours sur le qui-vive, j'ai plusieurs têtes dans le viseur. Fallait que ça pète un jour ou l'autre, j'suis tendu comme une crampe, perdu comme un gosse qui crapote. J'ai plus rêvé, mes pensées perturbent, le temps est glauque et ça perturbe. Je frôle la fenêtre en quête d'un air pur, la nuit je me lève. Putain qu'est-ce que j'ai froid, mon cerveau dans le brouillard se sent plus qu'à l'étroit. Ça fait longtemps que je ne rêve plus, perdu dans ma tête dure, ça me perturbe. Entre rêve et cauchemar, et je sursaute quand je tombe dans un trou noir. Ça fait longtemps que je ne rêve plus, perdu dans ma tête dure, ça me perturbe. Entre rêve et cauchemar, et je sursaute quand je tombe dans un trou noir. J'ai plus rêvé, mes pensées me perturbent, le temps est glauque et ça perturbe. Je frôle la tête en quête d'un air pur, la nuit je me lève. Putain qu'est-ce que j'ai froid, mon cerveau dans le brouillard se sent plus qu'à l'étroit. J'ai maté l'horizon, cherchant la joie d'autrefois. Tu peux toucher le fond, même si le monde est dans tes doigts. Toutes les nuits de la semaine, je prie pour que la mer tu me lâches. Les défaites nous reviennent, un peu comme le linge qu'on repasse. Comment puis-je rêver, quand on est agonistant. En quête de liberté, comme les femmes en Afghanistan. On m'a dit le monde est beau, mais bordel, ouvrez les yeux. Pour une couleur de peau, nombreux sont partis dans les cieux. Te rends-tu compte comme la bêtise attise la haine d'un homme? Que la misère et les civières détruisent les rêves d'un homme? Regarde les faits divers, le décor, le désespoir. Dans le froid de l'hiver, des corps gisants sur les trottoirs. J'ai fait les comptes et finalement ta survie se négocie. Ne plus rêver évidemment que c'est mourir aussi. Encore un soir où ils diront que j'ai la berlue. Encore une fois je broie du noir car je ne rêve plus. J'ai plus rêvé, mes pensées me perturbent. Le temps est glauque et ça perturbe. Je frôle la tête en quête d'un air pur. La nuit je me lève, putain qu'est-ce que j'ai froid, mon cerveau dans le brouillard se sent plus qu'à l'étroit. Ça fait longtemps que je ne rêve plus, perdu dans ma tête dure, ça me perturbe. Entre rêve et cauchemar, et je sursaute quand je tombe dans un trou noir. Ça fait longtemps que je ne rêve plus, perdu dans ma tête dure, ça me perturbe. Entre rêve et cauchemar, et je sursaute quand je tombe dans un trou noir. J'ai plus rêvé, mes pensées me perturbent, le temps est glauque et ça perturbe. Je frôle la fenêtre en quête d'un air pur, la nuit je me lève. Putain qu'est-ce que j'ai froid, mon cerveau dans le brouillard se sent plus qu'à l'étroit.